Sont-ils des geeks ? Sont-ils fanboys ? Sont-ils des otaku ? Bienvenue dans l'émission Les Potes Calés. Animé par Teddy et Fabien. On va enchaîner sur la troisième partie concernant les mangas. Et puis on va dire aussi, il n'y a pas que les mangas, hein, c'est aussi quelque part les super-héros, les héros animés de notre jeunesse. Hein. Pour un peu compléter ce qu'on a fait avec les deux précédentes émissions, tu as proposé plusieurs personnages. Donc on va commencer avec les héros exceptionnels avec pouvoir. Commencer par exemple Inspecteur Gadget. Et là qui va là, Inspecteur Gadget. Et là ça va pas. Ouh, ouh. Oh là je suis là. Inspecteur Gadget, je pense que tout le monde connaît parce que c'est une série qui passe encore maintenant. Enfin, elle a été remaniée, remasterisée avec que des conditions de tournage, enfin plutôt de dessin animé qui sont proches du moderne. Moi, je trouve que c'est une série qui passe mal, la nouvelle. Mais concernant l'ancienne série, c'était quand même bien parce que c'était un héros à la Max la Menace, quoi. Il subit plus ce qui lui arrive que. Bah, c'est le super espion qui est plein de gadgets et de. Bah, c'est une espèce de cyborg, hein, finalement. Moi, il me fait penser à Machine Man, par exemple, quand. T'as ses membres qui s'allongent ou... Ouais, puis c'est rigolo parce qu'il est pété de capacité, mais il s'en sert mal et puis... Puis il est complètement idiot, quoi. En fait, j'ai l'impression que lui, son seul super pouvoir, c'est d'avoir une chance phénoménale, quoi. C'est ça, puis surtout d'avoir sa nièce qui est particulièrement intelligente, quoi. Ouais, puis en fait, c'est elle qui résout les problèmes, les même situations. Le chien, il est super brillant aussi. Même Fino, qui est toujours derrière pour l'aider et puis qui se fait toujours prendre pour un agent mad, quoi. Oui, parce que bon, lui, il voit pas le danger arriver de loin, Gadget, hein. Il y a quelqu'un qui va l'écraser. C'est Fido qui va le sauver de la situation, quitte à se prendre le boulet sur la tronche, quoi, tu vois. Ouais, puis ça faisait penser un peu à de l'humour de la Warner, tu sais, dans sa cartoon ou des trucs comme ça. Tu penses surtout à Beeple Coyote, quand il y avait Rocher qui tombait de haut, et puis quand il revient sur la route, il se dit merde, ça n'a pas marché. Puis finalement, le rocher, il tombe sur la tronche, quoi. Ouais, Fino, ça faisait penser un petit peu à ça, sauf qu'il faisait ça pour aider son maître, et puis, ça merdait à chaque fois, c'est toujours sur lui que ça tombe, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, bref, le générique est assez culte aussi, hein, faut le dire. Il y a eu des personnages, il y a eu un beau jouet qui est sorti avec le gadget au chapeau, le gadget au copter. Enfin, il y a tout du gadgeto, quoi. Un peu comme le précédé par, comme les bats machin et les batarangs et les. Là, c'était le gadgeto. Au lieu de bat truc, c'est gadgeto truc. Ouais, c'est ça. Voilà, bon, une série bien sympathique, hein, pour la jeunesse. Maintenant, ouais. Puis toujours à la fin, un petit message d'utilité publique aussi qui est passé. Un peu l'aide éducateur, quoi, quelque part. Un peu comme dans Transformers aussi. Ah ouais, dans Transformers avec ça. Non, pardon, je confonds avec Masque. Un peu comme dans Masque aussi. Ah, c'est dans Masque alors. Ouais, le conseil, faut pas faire ça. Et faut pas regarder des émissions débiles, c'est nul. Voilà, donc Inspecteur Gadget, pour moi, personnellement, je trouve une grande série de dessins animés de l'époque. Hein. Puis il y a eu aussi deux films. Alors ça, c'est beaucoup plus discutable. Hein. Bon, les films sont plus discutables. Bah, déjà, ils sont sortis très tard par rapport à la série, je dirais dans les années 2000, non ? Non, quand même, les années 90, quoi. Ouais, marrant, moi je les voyais beaucoup plus récents que ça, parce qu'il me semblait que les avoir vus avec mes enfants. Ouais, les films sont oubliables, Les films sont oubliables. Les effets spéciaux, tout la lutte, mais l'intrigue, pas vraiment non plus raccrochée au dessin animé. En même temps, l'intrigue du dessin animé, c'est il y a un super méchant, c'est Mad, il est connu, et puis le but du jeu, c'est de contrer ses plans, et puis voilà, quoi. C'est un peu le méchant de la James Bond, hein. On voit le chat, on voit le gant qui tapote sur le clavier. C'est un peu comme Blofeld, quoi, finalement. Ouais, puis on voit jamais la gueule du méchant. On le voit, mais il faut acheter. Ils l'ont sorti en jouet. Ouais, ils ont sorti une figurine, ils ont mis le code barre sur sa tronche pour pas se faire spoiler entre guillemets quand on achetait le jouet. Ouais, donc vous pouvez voir la tronche du Dr. Mad en tapant sur internet jouer Dr. Mad si ça vous intéresse. Par contre, ils avaient sorti aussi le véhicule de Dr. Mad l'espèce de véhicule qui sortait de l'eau et qui. Ouais, c'était un peu un véhicule à la Masque, hein. Ouais, il sortait de l'eau, il se transformait en véhicule, en voiture, en sous-marin, en jet. Ouais, c'était Venom. Un très beau véhicule, une belle pièce de collection, quoi, je dirais. Voilà, quoi, pour le tour de l'Inspecteur Gadget. Ouais, par contre, ce que je voulais dire, c'est que c'est vrai qu'il y a une version 3D, et je trouve ça vraiment moche, quoi, au niveau animation. Niveau animation, c'est discutable. On peut pas dire que l'animation était très belle non plus à l'époque. Quoi, pour ce qui se faisait, c'était quand même haut de gamme. Ouais. Par contre, là où est l'animation 3D à la Monster Buster Club, c'est pas quelque chose qui est très intéressant visuellement. En même temps, ils l'ont pas ressorti pour faire plaisir aux fans. Hein. Ils l'ont sorti pour épuiser un petit peu une licence qui... Ouais, il y a encore un peu de blé à se faire, on va ressortir un truc, mais on va le tourner vite fait avec des effets 3D. Ouais, je crois que c'était sorti à l'occasion du 31e anniversaire ou quelque chose comme ça. Ouais, puis à un moment, ils avaient même sorti Gadget Boy à l'époque, qui était nul à chier. Hein. C'était un enfant bourré de gadgets. Ah, l'inspecteur Gadget, qui était encore plus débile qu'un inspecteur Gadget. On va parler maintenant de d'enchaîner sur Cosmo Cats, donc Thunder Cats. Cosmo Cats extraterrestre, Cosmo Cats c'est vous, qui avez tous les pouvoirs, Cosmo Cats à vous. On va enchaîner sur Cosmo Cats, Thundercats en américain, donc série américaine de Ted Wolf, une série qui se situe dans un univers très lointain. Attention, on n'est pas dans Star Wars, hein. Mais bon, là, c'est surtout des humanoïdes qui ont des formes de félins. Alors, je pense à Star Lion. C'était pas Lion Ho ? Ça, c'est en VO aussi. Ah, bah, je confonds moi toujours les VO et les VO. Star Lion, c'est... puis t'as Mumra, le méchant, avec ses bandelettes et... moi, qui me faisait penser beaucoup à Skeletor, tu vois, dans son genre. Ah, c'est vrai que ça faisait un petit peu copie de Skeletor. Skeletor, et puis... lui aussi avait une épée, et puis il appelait la foudre avec son épée, il me semble, Star Lion ou quelque chose comme ça. Bah, il gueulait Cosmo 4, et puis il se transformait en quelque chose de plus fort, non? Ouais, c'est ça, il y avait une espèce de gant magique. Ouais, en pâte de tigre. C'était un peu sympa, mais un peu redondant aussi, mais il y avait des personnages intéressants. Il y avait le personnage de Philibel, hein, d'ailleurs, qui avait un petit pincement pour Lion Ho. Après, il y avait une espèce de grosse brute qui était plus aussi expert en technologie. Et le gamin? Oui, il y avait des gamins. Ah oui, il y avait une espèce de. Les jumeaux. Un gars avec des cheveux blancs, là, c'est pas lui. Ouais. Il y avait un gars avec des cheveux blancs, je sais plus ce qu'il manipulait, lui. Ouais, je sais plus. Bah, ils avaient tous une arme de prédilection. Hein, Cosmo Cat Girl, c'était plus un bâton, je crois. Ouais, c'est ça. Puis elle était super rapide, ils avaient tous aussi une capacité un peu. Surnaturel. Un peu surnaturel, et puis voilà quoi. Puis il y avait Snarf aussi. Le petit, l'espèce de d'écureuil, non J'aurais dit un chien écureuil, chat, on sait pas ce que c'est. Qui rappelait un peu la bestiole de Jace, je sais pas. Ouais, ça fait un peu le comique relief de base pour ces séries-là quoi. Ouais. C'est le petit faut vendre des pluches donc. Ouais, c'est le popis de l'époque. Ouais. Donc moi je rapproche un petit peu ça des maîtres de l'univers quelque part. On a des épisodes qui sont indépendants, mais finalement t'as toujours le même schéma narratif qui court quoi. Ouais, il y a un fil rouge, mais si vous ratez un ou deux ou trois épisodes, c'est pas quelque chose qui va vous bloquer. On n'est pas là dans la grande série qui va étaler un arc narratif sur 10 épisodes quoi. C'est pas ça quoi, par rapport à maintenant quoi. Cosmo 4, c'est un bon souvenir quand même quoi. Ouais, le générique était d'enfer, les personnages étaient quand même attachants. Ouais, ils étaient bien dessinés, bien animés. Puis il y avait quand même de l'action. Hein. C'est ce qu'on demandait principalement en fait, finalement. Ça faisait, ouais, c'est vrai que ça faisait un peu à la Musclor, hein. Il dégainait son épée et hop, il montait en power up quoi. Enfin, ça va que là, il se transforme pas en. Il est pas bronzé quoi, je veux dire. Ouais, ni blondi. Ouais, bah toi tu vas parler des Chevaliers du Zodiac parce que c'est une série culte de ta jeunesse. Bah, c'est vrai que la suivante, hein, là on va plus partir sur le côté manga. C'est un manga brut, hein, les Chevaliers du Zodiac. Donc Senseiya en version originale. Il y a eu une tripotée de suite à Senseiya. Dont plus ou moins. Le film en 3D. Ouais, le film en 3D, il est passable. Hein, je sais pas pourquoi ils ont voulu sortir ça d'ailleurs. Mais je veux dire, Senseiya à l'époque, quelque chose qui dérogeait complètement à ce qui se faisait. C'est-à-dire que là, c'était des héros, c'était pas la valeur de puissance qui était le principal pouvoir du héros, mais vraiment son pouvoir à se transcender, c'est-à-dire à sortir de sa situation et à évoluer de sa situation pour transcender sa volonté. Donc ça, voilà, très, très japonais comme manga, c'est-à-dire que c'est la volonté qui fait l'évolution. J'ai du mal à dire de l'homme, parce que c'est quand même des ados dans la série. Hein. Ils avaient 13-14 ans maximum. Hein. 13-14 ans, ils cassent la gueule à des mecs de 20-25 ans qui ont plus de 15 ans d'expérience. Ça faisait un peu bizarre quand même. Tu veux dire que tu dénonces un petit peu le manque de cohérence quoi. Bah, c'est un manga, on va pas demander de la cohérence. En même temps, bon, la série apparemment, elle doit être longue, il y a pas mal d'épisodes. Mais en même temps, t'as un peu comme le même phénomène qu'il y a dans Ken, c'est-à-dire que t'as trois épisodes où il y a une baston quoi. Bah, en fait, non, c'est encore plus simple. C'est-à-dire que dans les présentations des personnages, donc au jeu intergalactique, alors pourquoi intergalactique, hein, ils sont sur un ring sur la Terre, mais bon, voilà, un épisode, une baston. C'est-à-dire que il se passe un épisode, il arrive une baston. Après, il y a le truc Iki, là ça tourne sur plusieurs épisodes, donc c'est le premier arc narratif où il récupère l'armure du Sagittaire. sanctuaire. C'est ça. Et après, quand ils vont se battre contre le sanctuaire, donc le vrai arc Senseiya, parce qu'à partir de là, on respecte les bouquins scrupuleusement. Et à partir de cet arc, c'est 3 épisodes pour une maison. Là, tu parles quand même de la quête de Pégase, quoi, finalement. C'est Pégase, le... Senseiya, ouais. Enfin, ouais. Pégase, ben, c'est pas la quête à lui, parce qu'en fait, c'est pas lui-même qui fait la quête. Bon, c'est quand même lui le héros principal. Parce que Senseiya, il s'appelle Senseiya, donc je pense qu'il faut pas être demeuré pour trouver que c'est lui le principal. Mais c'est plus sur l'effet de l'amitié. Alors... C'est bizarre, parce que avec Saori, on ne sait pas si c'est de l'amour ou de la dévotion. Donc il y a ça aussi qui joue. Et puis, ce que je dis, transcender sa condition, parce que il a une conviction et il va jusqu'au bout de sa conviction. C'est une longue saga quand même. Ça. Elle court encore jusqu'à aujourd'hui, quoi. Finalement. La sortie jusqu'à aujourd'hui. Enfin, le chapitre Omega, pour moi, vous pouvez l'oublier. Hein, c'est vraiment pour vendre des figurines. D'ailleurs, de très belles figurines qui étaient très chères et qui étaient très équipées. Je me souviens que tu avais le personnage qui était articulé. D'ailleurs, c'était l'une des premières figurines qui avait des articulations assez fournies. De toute façon, il n'y avait que deux types de figurines qui avaient des articulations aussi fournies. C'était soit les Senseiya, donc qui venaient du Japon et qui coûtaient la peau des rouleaux. C'est ça. Ou les G.I. Joe. Ben, les G.I. Joe, c'était quand même pas aussi cher que les Zodiac. Parce qu'elles étaient belles, elles étaient bien finies. Les Chevaliers de Zodiac, de toute façon, c'était forcément de l'import. Vous ne le trouveriez pas en français parce que on n'était pas ciblés, de toute façon. Hein. C'était des trucs qui coûtaient facilement un mois de salaire. C'est ça. Et c'était juste les frais d'importation qui étaient exorbitants. Et ceux qui en avaient, c'est les sacrés collecteurs. Après, ça s'est démocratisé avec les Senseiya chapitre Hades, par exemple, qui sont sortis très récemment. Mais là, ils ont inondé le marché d'armure avant de sortir les mangas. Ouais, c'est ça. Et moi, tu me dis que c'était un port, mais j'ai quand même l'impression que les magasins de jouets, ils tablaient quand même sur les boîtes. T'avais des belles boîtes, t'avais les personnages. Moi, je me souviens avoir eu Pégase ou un armure en chevalier doré. Ils étaient vraiment beaux et c'était des beaux jouets. Tu pouvais exposer en vitrine, quoi. Là. Qu'on va dire, c'était pas vraiment des jouets, ouais, c'était plus des... Des mini-statuettes, quoi. Des statuettes complètement, tu les habilles et elles bougent plus dans l'armoire, quoi. Comme ça, quoi. Un peu comme on a fait avec le Grandizer récemment, c'est-à-dire qu'on a ressorti un Grandizer tout animé, où il pouvait envoyer du feu, etc., mais c'est pas fait pour jouer avec. D'ailleurs, le slogan, c'était « Les jeux, c'est trop important pour laisser les enfants jouer surtout avec les... ». Surtout qu'au Japon, maintenant, il y a la culture manga on parle de jouets, c'est vrai que le terme « jouet », bon, il est pas très, très juste. Maintenant, c'est plus des pièces de collection, quoi. De toute façon, au Japon, c'est des pièces de collection, mais on commence à atterrir dans le jouet. Par exemple, si tu prends les Yo-Kai Watch ou les Pokémon ou les Digimon, là, c'était pour des jouets, c'était pas pièces de collection. Pokémon, ouais. Mais si tu prends Senseiya, ils ont fait Senseiya, ils ont fait les jouets après. Donc c'était forcément des pièces de collection. Enfin, sur les Zodiac, moi, j'en ai un bon souvenir. Ça a passé au Club Dorothée en même temps que Nicky Larson et... Ça a été énormément censuré en France, et c'est faut comme le dire. Ken, quoi, en fait. Ça a été quand même moins censuré que Ken, mais Nicky Larson, c'est que les Okomi, les trucs comme ça qui ont été censurés. Ouais. Mais Senseiya, il y avait des combats qui étaient coupés parce que les Chevaliers du Zodiac, d'ailleurs que le nom est trop débile en français, je vous expliquerai pourquoi après, les Chevaliers du Zodiac pissaient le sang souvent. D'ailleurs, je pense qu'ils avaient plus de sang que nous parce qu'à chaque épisode, ils pissaient le sang et ça remettait assez facilement. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de litres ils ont beaucoup en réserve, on va dire. Et puis, voilà, quand Cassios il se fait défoncer par le Chevalier du Lion, il se fait quand même transpercer le ventre où il y a un trou de la taille d'un magnétoscope quoi dans le bide, donc quand même quoi. Et en France, ça a été censuré, c'est-à-dire qu'on voit pas le trou et les gerbes de sang, c'est des gerbes de lumière. Ouais, un peu comme dans Ken quoi. Et juste pour l'anecdote, donc les Chevaliers du Zodiac en France, si on se réfère au titre, donc les Chevaliers du Zodiac, c'est les 12 Chevaliers d'Or. C'est eux les signes du Zodiac. C'est ça. C'est parce qu'ils n'ont pas voulu l'appeler Senseiya. En même temps, ça aurait jamais marché si on aurait appelé ça Senseiya. Bah, chevalier, ça parle plus aux gamins, quoi. Voilà, donc là, ils l'ont appelé les Chevaliers du Zodiac. Et toi, ça te paraît aberrant, mais sur quel plan? Parce que les Chevaliers du Zodiac, c'est les Chevaliers d'Or. Les signes du Zodiac, c'est les 12 signes de Chevaliers d'Or. Donc les Chevaliers du Zodiac, c'est pas les Chevaliers de Bronze, c'est les Chevaliers d'Or. Okay. Donc c'est juste pour ça que ça me paraît aberrant. D'accord. Parce qu'en fait, Pégase et tout n'ont rien à foutre dans le Zodiac, c'est juste des constellations. Mais pourtant, ils ont gardé le titre pour l'adaptation live. Pour l'adaptation live. Enfin, live, je m'entends, c'est la 3D, quoi. Ouais, donc c'est des Senseiya, la légende des Chevaliers du Zodiac. Ouais, c'est ça. Donc ils ont gardé une partie du titre. Ouais. Ils avaient peur qu'on retrouve pas que c'est Senseiya. Bah, c'est un peu comme Albator. Hein. Par contre, si tu prends chapitre Hades, c'est resté Senseiya Hades. Et après, si tu prends Senseiya Omega, je vais pas faire mon kéké. Hein. C'est toujours Senseiya Omega. C'est comme la version française de Albator, la version de 2013. Il s'appelle Albator, mais les autres membres de l'équipage, ils ont leurs noms originaux. Ce qui colle pas du tout. C'est con, parce que normalement, c'est Harlock. Hein. C'est Capitaine Harlock, effectivement. Donc, Senseiya, moi, je trouve franchement une série qui. Vous pouvez y aller, ça a pas mal vieilli du tout. C'est très japonais, hein, donc c'est plein de bons sentiments et de morale. Mais moi, personnellement, je vous la conseille. Tu vas garder la main, on va dire. Avec Ranma 1,5. Ranma 1,5, moitié soleil et moitié pluie. Ranma 1,5, Ah, ça c'est un peu plus confidentiel, bah, toujours au club d'eau. Hein. Moi, je trouve que Dorothée, enfin, on lui doit beaucoup, parce qu'au niveau des mangas, c'est elle qui a forgé notre culture. Hein. C'est-à-dire que, c'est elle qui a lancé Goldorak déjà à la base. Donc, En plus, il n'y avait que ça à regarder à l'époque. Hein. Et pas Internet, hein, on est des vieux, nous on n'a pas connu Internet. Donc si on voulait regarder quelque chose, on était obligé de regarder ce qui se passait sur les chaînes. On a quand même eu le Senseiya, et puis après des autres dessins animés comme Ranma et demi. Pat Labor aussi, si tu veux. Ouais, Pat Labor, enfin tous les dessins animés comme ça. C'est Sailor Moon, ouais. Donc Ranma et demi, ouais, l'histoire, c'est tout con, hein. C'est un jeune homme, un ado, enfin on dit qu'il a 15-16 ans, il tombe dans une source maudite et il peut se transformer en fille quand il est en contact de l'eau froide. D'accord. Et en garçon quand il est en contact de l'eau chaude, et c'est des quiproquos après sur tous les épisodes. Donc il retourne après au Japon parce qu'il a été promis depuis son plus jeune âge un mariage à une autre famille, la famille Tendo. Nintendo ? Non, Tendo Akane. Ah bon ? Tendo Akane, Nintendo. Donc Adeline en français, et puis c'est des quiproquos parce que c'est japonais, quoi, c'est des non-sens, le rapport maître-élève, l'autorité du père non respectée, les traditions, pourquoi on les respecterait, parce qu'on est moderne, etc. Et Ranma et demi, bon, il n'y a pas grand-chose à en dire, si ce n'est que c'était très marrant, et que c'était des situations cocasses qui étaient plutôt jouissives à regarder. Dans le même genre, après, Club Do, on avait Pat Labor du Sailor Moon, Pat Labor, c'est des mechas. La particularité de ces mechas, c'est que c'était des policiers, c'est-à-dire des robots géants un peu partout. Il y avait des robots géants pour faire des chantiers, des robots géants pour faire le ménage, géants policiers pour gérer un petit peu tout ça. Et Pat Labor, c'était donc la vie quotidienne d'une brigade de policiers qui gérait ces robots et puis qui a été face à des situations, de policiers bandits, quoi. Ça fait pas penser à Gundam quelque part, les designs Alors non, Pat Labor, ça faisait vraiment police, robot fait pour la police, parce qu'il se transformait pas. Gundam, ça fait plus ce qu'on appelle mecha, c'est-à-dire à l'avant-garde, quoi. Des robots qui peuvent prendre des power-up et qui peuvent augmenter leur puissance en fonction de la volonté de la personne qui la conduit. Les pattes là-bas, c'était un peu des armures pour les policiers, c'est ça ? Bah, des exosquelettes géants. Ouais, c'est ça. Sauf que c'était comme dans Aliens, quoi. Ouais, en beaucoup plus grand aussi. Ouais, ouais. Mais vraiment robotisé. Puis t'avais des thèmes abordés qui sont chers aux Japonais, comme est-ce que ce qui sort maintenant c'est mieux que ce qui sortait avant, ou des trucs comme ça. Et dans Pat Labor, c'était pas manichéen, hein, c'est-à-dire c'était des thèmes un peu genre l'amitié au boulot, l'amour au boulot. Je te dis, remplacer le vieux par du neuf, est-ce que ça a forcément marché, la dépendance commerciale, et tous ces trucs-là étaient appliqués dans Pat Labor. Il y a eu plusieurs générations, parce que j'ai vu aussi qu'il y a une série live qui est sortie en 2014. Alors celle-là, je l'ai pas vue. Je l'ai pas vue, mais maintenant, il y a des effets numériques avec les robots, quoi. Et après, donc ça, c'était assez masculin quand même. Et après, il y a eu des Magical Girls comme Sailor Moon, ou qui se rapprochaient complètement. C'était un Dragon Ball pour les filles, hein. Sailor Moon. Donc des lycéennes qui sauvent le monde, et à chaque fois qu'ils se transforment, on voit leur panzo culotte. Donc beaucoup de fanservice dans les mangas qui ont été censurés en France. Moi j'ai eu la chance, ou la malchance, non la chance, de voir par exemple des Ranma et demi et des Sailor Moon en non censuré et en VO. Ouais, des culottes on en voit, des nichons on en voit. Donc il y a du fanservice à plein tube, quoi. Le fanservice au Japon, c'était une institution déjà à l'époque, et ça a complètement explosé maintenant, parce que j'ai emmené voir mon cher ami Fabien voir Mazinger Z, et c'était bourré de fanservice. Ah ben complètement, mais c'était l'un des premiers Magical Girls, parce qu'il me semblait que c'était Gigi, non ? Gigi, c'est un magical girl, mais lorsque Gigi, elle sauve une situation, elle sauve pas le monde. Voilà, un peu Sailor Moon, c'était un peu les Power Rangers version animée. La super héroïne, quoi. Voilà. Après, si tu prends Gigi, c'était quand même pas très gay comme série. Bon, si, c'était bien, parce que c'était une petite fille, elle sauvait des situations, ou Krimi, une petite fille qui se transformait en idol et qui essayait d'aider son prochain. Gigi, pour l'anecdote, ça finit horriblement mal, hein. Je vous conseille d'aller voir les traumatismes de notre enfance, podcast qu'on avait fait. Après, si tu prends Sailor Moon, il y a quand même des thèmes graves abordés dans Sailor Moon qui ont été censurés en France. Ah. Comme à 14 ans être enceinte, qu'est-ce que ça donne ? Ah oui. Tout des trucs comme ça. Ah, ils explorent quand même ça. Donc voilà. Puis Sailor Moon, moi je peux vous le conseiller parce que je pense qu'on a tous flashé sur une Sailor. Hein. Moi c'était Sailor Mercury personnellement. C'est marrant que tu abordes ce volet un petit peu adulte dans les. Il y avait vraiment une fibre adulte qu'il n'y a pas dans les productions françaises. En fait, les Japonais déjà à l'époque avaient un rapport avec la sexualité qui n'était pas ce qu'on a l'habitude de voir en France. Avant, si tu prends un dessin animé franco-français comme Moi Renard, les personnages c'était des animaux, ils étaient pas très sexualisés, tu vois. On avait bien Renard qui était amoureux de sa collègue journaliste, mais c'est tout, quoi. Ça restait bon enfant. Dans les mangas japonais, l'amour et le sexe, c'est quelque chose de proéminent et des fois malsain. Encore dans les dessins animés de maintenant. Ouais. Si tu prends Sailor Moon, voilà, on voyait quand même des culottes et une sexualisation massive. Par contre, si tu prends Lamu, qui était censé être humoristique, l'extraterrestre était encore plus hyper sexualisé. D'accord. Et quelque chose de malsain et qui a perduré dans certains mangas de maintenant. Si je prends un manga qui était sorti il y a une 10-15 d'années qui s'appelait Rosario Vampire, on a même sexualisé des enfants de 12 ans là-dedans. Donc quelque chose, moi personnellement, en tant qu'occidental, me gêne. Mais apparemment, chez eux, c'est assez répandu d'avoir ce genre de référence. Ouais, en fait, ça les dérange pas trop de mater des adolescentes, quoi. Mater des adolescentes, des collégiennes, des lycéennes, c'est ce qu'on pourrait appeler un mœurs courant chez eux. En tant qu'occidental, c'est quelque chose qui me dérange plus, mais je ne sais pas si je me sens le droit de juger... La culture japonaise. Un peuple qui n'a pas la même culture que nous. Ouais, donc, je pense que c'est plus à moi de m'adapter à leur niveau que eux de m'adapter à mon niveau. Ouais, c'est des cultures qui sont différentes, donc... Mais c'était déjà à l'époque, pour ceux qui disent « Ouais, les mangas de maintenant, il n'y a que du nichon et du fanservice mm-hmm. ». Bah oui, je suis d'accord, je peux pas dire non, parce que ouais. Ça serait mentir et ça serait franchement un peu hypocrite de ma part. Mais si tu prends les Ranma et demi ou en VO, l'une des phrases, c'est qu'il dit à sa future fiancée « T'es jalouse de moi parce que j'ai une poitrine plus opulente que la tienne ». Oui, bah, je commence à comprendre pourquoi ça a été censuré par Famille de France, mais en même temps, c'est parce qu'on n'était pas prêt à l'époque. Maintenant, je pense que c'est quelque chose qui est rentré dans la mentalité. Parce que quand on regarde un One Piece maintenant, Nani, elle fait du 110, je sais pas combien, par exemple. Alors, donc c'est quelque chose qui est dans les mœurs maintenant, qui est ancré et qui est toléré. Et à l'époque, je peux comprendre que ça fait un tollé. Et dans tous les mangas comme ça, même dans l'hyper-sensualisation, il n'y a pas besoin d'avoir des super pouvoirs. Par exemple, quand on prend Cat Size, on peut revenir sur Cat Size qui était passé sur France 3. Dans le manga, ça allait, mais dans le générique, c'était hyper sexuel. Ah bah c'est hyper sensuel, il y a... Ouais, c'est limite érotique, quoi, des fois. Ah, le générique, franchement, c'est le genre de truc... À l'époque, quand on le regardait, il y avait les parents à côté, on était un petit peu mal à l'aise. Un petit peu rouge, je vais dire, pour moi. Mais ouais, Cat Size, bah, c'est l'histoire de trois cambrioleuses qui sont des sœurs. Apparemment, ils recherchent leur père, c'est ça. Alors, on sait pas si le père est mort ou s'il a disparu, mais apparemment, c'est un énorme collectionneur. Et du fait de sa disparition ou de sa mort, moi je dirais quand même sa mort, toutes ses œuvres se sont retrouvées dispatchées au Japon, hein, ça reste quand même local. Oui. Et puis bah, leur but c'est de rassembler les œuvres de leur père pour en savoir plus sur leur père. D'accord. Donc ils volent les œuvres de leur père. Donc faut savoir que l'une d'elles a un fiancé qui est dans la police, le fameux Quentin, qui est un peu idiot d'ailleurs. Ouais, Tam. Oui. C'est Quentin en français, je crois. Non, Quentin, mais c'est Tam qui est amoureuse de D'accord, Quentin. D'accord, ouais. L'une des sœurs, ouais. Bah, lui, il est un peu idiot, hein, parce qu'il voit rien. Elle est complètement aveuglée, de toute façon. Quentin qui ressemble un petit peu à Nicky Larson, hein. Allez, c'est... Enfin, je suis désolé. Moi, je vois Nicky avec sa veste bleue et Quentin avec sa veste bleue et même les tronches, etc. C'est le même dessinateur, donc je D'accord, pense ouais. qu'il s'en est plus que... Plus qu'inspiré. Il voulait faire une espèce de crossover, peut-être à un moment. Ah non, en fait, il était parti sur Cat Size. Mm-hmm. C'était parti pour durer. Malheureusement, les producteurs l'ont collé au cul. Ils disent bah, maintenant tu nous fais Nicky Larson parce que ton manga marche mieux. Il a dû abandonner Cat Size. Et donc il n'y a pas de fin alors. Il n'y a pas de fin. Même s'ils ont sorti l'intégrale, ben, il n'y a pas de. Il n'y a pas de fin franche. Il n'y a pas de fin conclusion, tu veux dire, ouais. Mais c'est une bonne série dans l'ensemble. Hein. Il y a de l'humour, tout ça. Il y a de l'action, il y a de l'humour, il y a du suspense, il y a des quiproquos à la japonaise. Par contre, complètement, moi je dirais qu'il y a moins de fanservice dans un Cat Size, mis à part le générique, que dans un autre Sailor Moon, Ranma & Me. Parce que c'est des personnages adultes finalement qui. Ouais, mais je m'attendais à plus de fans. Je suis désolé, quand tu regardes Nicky Larson, c'est des personnages adultes, il y a plus de fanservice. Ouais, enfin, Nicky Larson, moi j'ai pas bien vu. Mais faut savoir qu'il y a eu deux films live de Cat Size. Bon, des films qui sont un petit peu anonymes, hein, comme les adaptations de Ken. Donc un téléfilm en 88 et un autre qui est un peu plus officiel, on va dire. C'est un peu bizarre parce que quand moi j'ai pu voir le trailer et quelques photos de promo, et là on a quand même affaire à trois, je dirais Catwoman. Elles ont des masques avec des oreilles et elles sont habillées moulant, donc ultra sexualisées dans cette version, quoi. Alors que voilà, dans les cambriolages, elles sont pas bon, elles sont quand même habillées moulant en tenue de gym, mais je veux dire, elles sont pas, d'ailleurs elles sont jamais couvertes, hein, quand tu vois bien. Ouais, mais je les trouve pas hyper sexualisées dans le manga. Non, je veux dire, pas dans le générique. Visage, Ah non, elles sont toujours à visage découvert, mais c'est toujours avec un jeu d'ombre, on les voit pas, etc. C'est ça. Il y a que les méchants qui les voient, mais ils les ont jamais balancés. Quentin, il voit rien du tout, même. Mais non, ça arrange toujours pour que ce soit de dos, dans les lumières de phare, aveuglé, etc. Bah, Cat Size, tu peux peut-être enchaîner sur Nicky Larson, comme ça. Une ombre file dans la nuit, c'est un assassin qui s'enfuit. Et comme un démon, il sourit, son crime restera. Ouais, Nicky Larson, donc, sorti en 90, et On avait demandé au producteur de Cat Size de se concentrer uniquement sur Nicky Larson parce que Cat Size était une licence mourante et Nicky Larson en pleine puissance de diffusion. Donc on lui a dit t'arrêtes Cat Size et tu nous fais du Nicky Larson. Donc du coup pas de fin à Cat Size, mais je dois avouer que Nicky Larson c'est des épisodes qui sont quand même assez jouissifs à regarder. Mmh. Plus de fan service et si on le regarde en VO, un Nicky Larson complètement obsédé sexuel. Ah oui, parce que bon, faut quand même signaler les changements d'expression, hein, les Love Hotel et les balles et les bastos. Je pense que c'est c'est des bars à hôtesse. C'est des bars à hôtesse au Japon. Alors normalement, les bars à hôtesse au Japon, vous avez le droit de avoir une hôtesse qui s'assoit à côté de vous et elle est payée en fonction de ce que vous buvez avec elle. Par contre, vous n'avez pas le droit de la toucher, rien du tout. Ah bon. Là, dans Nicky Larson, il se prive pas trop. Il met la main ou il fait pas quoi. Ouais, ça fait un peu hôtel de prostitution. C'est ça. Mais là, c'est les restaurants végétariens, d'après ce que j'ai compris. Et donc ça devient des restos végétariens et des casinos. Et des boulets. Et quand il se prend une balle, c'est les boulets. Ouais, les boulettes, je crois. Des boulettes, ouais. Donc, encore une fois, la version française fait des catastrophes, quoi. Merci, famille de France. Ouais. Comme merci, Ségolène. En fait. On n'est pas loin du couteau de cuisine et du Nanto de Vison, quoi. Bah, ils ont censuré. Maintenant, du coup, je serais quand même tendance à dire merci, parce que du coup, ça a développé la culture manga. Et ceux qui sont intéressés plus à la série, qui étaient plus adultes, et puis maintenant qu'on la trouve quand même assez facilement en version normale, moi je trouve qu'elle est plus agréable à regarder en version normale, mais c'est vrai que les passages au Komi avec Nicky sont lourds, sont vraiment lourds. Bah, il y a notamment la scène où il se prend un coup de marteau sur la tronche. Bah, ça c'est comique. Ouais. Voilà, avec Laura, à chaque fois il se prenait un coup de 100 tonnes sur la tête. Ça fait vraiment gimmick de cartoon, quoi, finalement. Ouais, bah, c'est comme un cartoon Baby Coyote, hein. C'est la même chose, hein. Bah, Nicky Larson, faut savoir qu'il y a eu des versions live aussi. Notamment une avec Jackie Chan que j'ai vue. Et puis une autre japonaise. Alors, celle de Jackie Chan, tu voulais dire ce que t'en penses? Oh, j'ai vu, vous pouvez la regarder, ça reste du Jackie Chan. Vous attendez pas un truc grandiose, hein, mais c'est des scènes de baston là, Jackie Chan, et puis c'est de la bonne époque de Jackie Chan, quoi. D'ailleurs, c'est une petite anecdote, on retrouve dans ce film, je pense, Gary Daniels. Alors, c'est qui Gary Daniels? Eh bien, vous pouvez écouter notre versus Dragon Ball versus Ken le survivant, et vous saurez qui c'est Gary Daniels. Non, en fait, c'est celui qui interprète Ken, c'était juste un clin d'œil, quoi. Donc, la deuxième, après, il y a des séries, puis il y a un spin-off qui s'appelle Angel Heart. Alors, c'est une série qui se situe dans l'univers de Nicky Larson, et apparemment totalement absent de l'intrigue. Bon, après, il n'y a plus grand-chose à dire, ça va être une accumulation de titres, parce que malheureusement, il n'y a pas grand-chose à dire sur ces titres. Sur les mangas, moi, je pense. Sur les mangas, là, on a Lady Oscar, ouais. Que mes parents adoraient que je regarde ça, parce que au moins, c'était culturel, c'était pas un manga. Comme Heidi, hein, c'était pas un manga, au moins, Rémi. C'est bien. Rémi. Ou Rémi sans famille. Ouais. Enfin, quoi, ils ont su que c'était un manga, c'est tombé de haut, mais bon. Et après, voilà, Lady Oscar, donc une légende du Chevalier Déon, hein, tout simplement, un prix par les Japonais. Donc le Chevalier Déon, pour ceux qui s'en souviennent, on ne sait pas si c'était un homme ou une femme. C'était un espion ou une espionne ou un truc dans le genre. C'est une histoire vraie, ça, ou... C'est une histoire vraie, hein, le Chevalier Déon. Et donc Lady Oscar, ils se sont dit, on va faire à peu près la même histoire. Donc c'est une fille qui se fait passer pour un homme par son père, parce qu'il en avait marre d'avoir des filles. Il s'est dit, toi, tu seras un homme, et puis il fait l'armée, et puis c'est ça, c'est Lady Oscar. Mm. Et après, t'as Captain Tsubasa aussi, par exemple, qui est passé. Alors Captain Tsubasa, c'est Olivier Tom. Moi, j'ai horreur de dire Olivier Tom, donc je vais dire Captain Tsubasa jusqu'au bout, parce que pourquoi Olivier Tom, sachant que Tom, il apparaît que dans 3 épisodes. Donc c'est quelque chose que je comprends pas. Après, il s'en va en fin fond de l'Allemagne faire gardien de but, mais c'est parce qu'à l'époque ça pouvait pas être un seul héros ou un truc dans le genre, donc il fallait donc ils l'ont appelé Olivier Tom. Enfin, les tirs au but étaient légendaires, quoi. Combien de fois on n'a pas envoyé le ballon dans le décor en essayant de faire les mêmes tirs que Mark Flanders, parce que vraiment le ballon extensible qui devient une espèce de boulet de canon, une espèce de pastèque, c'est ça, c'est temps et tout. Et puis les fameux terrains de foot qui font des kilomètres, c'est des kilomètres aussi, de long, c'est vrai, mais voilà, quoi. Et puis, bien sûr, un match de foot qui dure 80 minutes, qui fait complètement un arc entier chez eux. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va marquer un but, il se remémore tout ce qu'il a vécu. Putain, c'était chiant, en fait, avec le recul. Pour une autre série sportive, tu veux peut-être dire un mot sur Jeanne et Serge aussi? Jeanne et Serge, c'est un truc qui m'horripile. Je pense qu'il m'a lancé là-dessus exprès. Ouais. Alors déjà, pourquoi Serge? Parce que Serge, on le voit dans un épisode pendant 17 secondes. Et en fait, Jeanne et Serge, c'est une petite peste, cette Jeanne. Donc Jeanne et Serge, coup de foudre au match de volleyball. Donc c'était une fille qui voulait s'accomplir par le volleyball. Et puis c'était une une pure connasse, mais j'ai pas le droit d'être méchant. Parce qu'elle maltraitait son frère, elle collait des baffes à son père. La vilaine rouquine, ouais. Pour ça, je comprends pas pourquoi on a aimé ça en France, quoi. C'est vrai que c'était populaire. Moi, je me souviens à l'époque, elle et Princesse Sarah me sortaient des trous de nez, mais pas pour la même raison. Et là, dans Jeanne et Serge, là, Jeanne Azuki, j'ai jamais pu la piffrer. C'était pas non plus des super scénarios élaborés, quoi. C'était pas vraiment de l'héroïsme pour moi. C'était une série sportive et toutes les dérives qui en engendraient. Mais comme on nous a vendu ça comme l'héroïne Jeanne et Serge, en fait, ce qu'il fallait voir, c'est tous les dérives concernant l'ultra intensification du sport, en fait. Et ça, en le regardant comme ça, c'est regardable. Mais en le regardant avec un œil neutre, en priant pour que l'héroïne réussisse ses matchs, bah, je trouve que c'était pas terrible. Je vais continuer sur les mangas. J'ai une petite sélection, moi aussi. Je vais commencer par Edgar. Lupin, en version originale. Ouais, c'est ça, Lupin 3. Edgar, c'est soit le... Il y a eu deux séries. Il y en a une qui s'appelle Edgar de la Cambriole. Et il y a aussi Edgar, le roi des cambrioleurs. Le détective cambrioleur. Et moi, je peux vous conseiller le long métrage de Miyazaki, Lupin, donc Edgar, et le château de Cagliostro. Oui, il paraît qu'il est très bien celui-là. Il est excellent. Et puis il y a aussi une version live qui est sortie en 2016, je sais plus. Mais je l'ai vue, elle était très bien et ça rend beaucoup hommage aux comics. Ce qui est rare hein, d'avoir une fidélité comme ça, mais vraiment le film est vraiment super intéressant. Il y a une certaine rythmique, il y a de l'humour, il y a de l'action. Enfin les personnages sont vraiment, on croirait vraiment qu'ils sont sortis du dessin animé quoi. Voilà quoi, je le recommande. Mais Edgar, c'est quoi? C'est tout simplement le descendant d'Arsène Lupin quoi. Ouais, parce qu'il s'appelle Lupin 3, donc on suppose que c'est le descendant d'Arsène Lupin. Non, les Japonais ont toujours été très respectueux de la culture du mythe, occidentale, parce qu'en fait, quand tu prends Lupin, donc c'est Arsène Lupin, quand tu prends Cobra, j'ai appris grâce à Fabien qu'en fait il était calqué sur Jean-Paul Belmondo, par exemple. Gaiban, donc X-Force, c'était sur Jean Gabin, et ils ont toujours été assez respectueux. C'est un peu délirant, quoi. XOR, j'en gagne un, quoi. Je veux dire, le personnage toujours sérieux et toujours prêt à accomplir sa mission, ça fait un peu Gabin. Hein. D'accord. Bon, bon souvenir, hein. C'était assez sympathique comme des animés. Ouais, Lupin, c'était bien, parce que t'avais donc Lupin, le cambrioleur, mais très doué. Puis après, t'avais le Katana Man. Oui, t'es l'espèce de samouraï, quoi. L'espèce de samouraï. T'avais le sniper aussi. C'est pas lui qui était toujours bourré, entre une Je sais plus, mais bon, il y a un alcoolique dans l'histoire, mais. Voilà, puis c'était franchement bien tourné. Puis t'avais l'inspecteur qui s'acharnait à vouloir le... Puis t'as vu bien sûr la fille qui était un peu sa concurrente. Ouais, puis c'était bien, l'inspecteur, c'était un peu à la Sherlock Holmes, le dessin animé, il arrivait toujours avec un tas d'hommes, et puis il n'arrivait jamais à l'attraper. Le falimier qui échoue, quoi. D'ailleurs, on va passer sur Sherlock Holmes, la transition est très bonne. Sherlock Holmes, donc, entre autres, animé par Miyazaki. Et surtout avec un générique français fantastique. Ouais. Très beau, franchement, que ce soit dans les paroles ou dans le visuel, c'est vraiment presque enchanteur, quoi. Il y a encore un manga qui a pas vieilli du tout. Non, c'est clair que Miyazaki, son style, il vieillit pas des masses. Hein. Il change pas son style, mais il vieillit pas. C'est ça qui est bizarre. C'est clair. C'est intemporel, je dirais. Mais c'est une très bonne série. Hein. Ce sont des animaux comme souvent. Hein. Sherlock, c'est une espèce de renard, non? Ouais, un renard. Watson, un chien. Ouais. Après une renarde. Après la compagne, je sais plus comment elle s'appelle. C'est pas sa compagne, mais voilà. La compagne c'est tous des chiens, il me semble, tous des canins. Et puis t'as le grand méchant qui. Moriarty qui il est vraiment bien, c'est vraiment des personnages qui sont bien dessinés, qui sont bien aussi avec des scénarios qui sont assez développés. Ouais, ça va, ils sont quand même bien développés pour un manga. Je m'attendais à quelque chose de plus bourrin, mais en général les mangas il y a pas de réflexion, mais là ça va, c'était bien, les scénarios étaient bien tournés à la Sherlock Holmes. C'est ça, il rend vraiment bien hommage à l'œuvre d'Arthur Conan Doyle finalement. Bon, c'est une série qu'on se doit de posséder quoi dans sa DVD Tech. Si vous l'avez pas, vous ratez quelque chose. C'est sûr. Tant au niveau graphique que narratif, quoi. Moi, je vais parler aussi, il y a aussi des mangas, enfin, les mangas, des animés, où il y a des animaux, en fait, ont des allures de humanoïdes. C'est aussi Le Tour du Monde en 80 jours. Ah, ça a très très mal vieilli. Ouais. Alors Phileas Fogg qui est un lion, c'est une espèce de compagne hindoue qui est un chat, si je me souviens bien. J'aurais dit une panthère parce que ça s'accorde mieux félin, avec le lion. Un félin quoi. Ils sont félins pour l'autre. C'est une adaptation du roman de Jules Verne qui est trépidant. Et là il y a du suspense, il y a tout, il y a trouve tout, c'est l'espèce de débrouillard qui accompagne Phileas Fogg. Et moi j'ai eu beaucoup de plaisir à revoir ces épisodes. Maintenant c'est vrai que visuellement. Ouais, ils ont hyper mal vieilli, ouais. L'animation est saccadée, l'histoire est bien, mais ouais. Moi je trouve que ça a mal vieilli, quelque chose qui a pris un sacré coup de vieux, d'accord. Un peu comme les maîtres de l'univers ou des trucs comme ça. Ouais, je trouve que quand même les maîtres de l'univers c'est pire. Moi je trouve que c'est dans la même lignée, au niveau des prises de coup de vieux. Voilà, quoi, le tour du monde en 4 à un jour, je pense que c'est un classique, et je vais parler aussi des Cités d'Or, parce que c'est une mystérieuse Cité d'Or, donc une production d'Ic encore une fois, qui était assez culte dans les années 80, c'est-à-dire que là on a trois enfants, donc on a Esteban, Zia et Tao, qui partent à la recherche des cités d'or, moi ça m'a fait super rêver, ça me fait encore rêver quand je vois cette série. Ils sont poursuivis par les conquistadors, ils sont accompagnés de trois espèces de mercenaires, dont deux qui sont un peu idiots, et un qui est une espèce de bellâtre un peu très habile de ses points, Mendoza. Donc il parcourt l'Amazonie, tout le long de l'Amazonie, tous les pays d'Amérique du Sud pour trouver ces fameuses cités d'or qu'il trouve finalement dans la fin, mais en fait il y en a sept. Donc il faut il y a une ou deux ans, c'est reparti en fait, la série est repartie avec deux autres saisons, une qui se déroule en Chine et une qui se déroule au Japon si mes souvenirs sont bons. Donc en 3D cette fois-ci, et beaucoup moins réussi que l'ancienne série parce que moins développé. Ça a perdu le charme, il y a moins de développement. Après, le problème, c'est qu'ils veulent faire il leur a fallu une saison entière, même plusieurs, pour trouver la première cité d'or. Et après, ils ont voulu abréger sur la suite. C'est ça. Donc, forcément, ça, c'est pas inintéressant, mais c'est trop rapide. Par contre, ce qui était bien dans la Cité d'Or, c'est ce principe de t'as l'épisode et puis t'as le documentaire à la fin. Ouais, un petit reportage. Qui était d'ailleurs commenté par notre ami Jean Topard, dont on parlait dans les précédentes émissions. Oui, celui qui faisait la voix. De la voix de Zeus. Zeus, entre autres, parce qu'il commentait aussi pas mal d'autres choses. Bah, Rémi sans famille, enfin, tout ce que vous avez un peu entendu sur la dépression. Nos frissons jeunesse. Revenez sur nos frissons jeunesse, vous allez voir que Jean Topard, en termes d'anxiogène, il est assez fort. Moi, j'aimais bien cette partie documentaire et puis, c'était toujours, il y a beaucoup de cliffhanger dans les épisodes. C'est-à-dire que l'un des premiers mangas à fil rouge, si tu ratais un épisode, t'étais mort pour la suite. C'est complètement. Puis moi, je me souviens surtout de ce bateau assez formidable qui était le. Il restait que deux épisodes de ce bateau. Oui, malheureusement, je trouve qu'il est un peu sous-exploité. C'était le Solaris, il me semble. Mm-hmm. Et il y avait le Grand Condor surtout. Et après, ce que j'aime bien aussi, c'est que dans ce dessin animé-là, ça nous a posé quelques bases d'alchimie. Je trouvais ça assez marrant, tu sais, comme l'oricalc ou des trucs comme ça. Et j'ai adoré le principe d'essayer de nous tasser un petit peu d'alchimie discrètement dans le coin comme ça. Ouais. Et de nous faire un petit peu un mix entre religion, croyance, mythe, légende. Moi, j'aimais bien ce principe. Ouais, c'est ça, c'est le fort de cette série, c'est qu'il allie, comme tu dis, la vérité historique, le côté mythique, parce qu'il y avait aussi les extraterrestres à un moment qui arrivent dans la série. C'était les Olmecs, donc c'était pas vraiment des extraterrestres. On n'a jamais su si c'était des extraterrestres ou pas, mais il n'y avait pas de parti pris, quoi. Si, avec les Olmecs, il y avait un parti pris. Hein. C'est des méchants, faut les détruire. Oui, ils sont vraiment méchants, hein. Ouais. Ils n'ont qu'une nuance. Hein. Mais sinon, non, c'était vraiment bien. C'était passionnant. C'est encore passionnant. Oui. Ça a pas mal vieilli. Bon, les reportages ont mal vieilli, mais ça, c'est pas grave, c'est pas ce qui fait le charme ça fait quand même le charme de la série, mais faut pas trop se concentrer là-dessus. Ça fait partie quand même de. On peut pas regarder une série sans avoir le documentaire derrière. Mais je veux dire, même malgré le fait que le documentaire est mal vieilli, ça se laisse regarder. C'était vraiment une. Bon, à la base, c'est un roman, mais c'est tellement beau à adapter. Et puis, moi, je dois dire que j'étais accroché toutes les semaines, que j'attendais avec impatience un nouvel épisode, quoi. C'est un dessin animé qui. Je crois que dans mon top 5 des animés de la jeunesse, il figure en bonne place, quoi. J'ai regardé les saisons 2 et 3 et j'étais très déçu, je sais pas si tu les as vus d'ailleurs. J'ai dû m'arrêter à la saison 2 parce que comme je te l'ai dit, ça s'enchaîne beaucoup trop vite pour moi. Après, le problème c'est que je peux pas non plus regarder tout ce qui passe, hein. Techniquement c'est trop chronophage. Et puis je pense que j'ai dû vieillir, prendre un coup de vieux, j'ai pas le charme qu'il y avait dans les débuts. Qu'ils ont dû attendre trop longtemps de faire la suite et puis conclusion, il y a moins d'accroche. C'est ça le vrai problème, c'est qu'ils ont laissé trop de temps et que le concept s'est un peu dilapidé. Le soufflet s'est effondré en fait. Je préfère finir sur le dernier épisode où ils partent en quête des cités d'or et puis un petit peu oublier ces saisons qui sont suivies, quoi. T'avais mis Nadia et le secret de l'eau bleue, tu veux en parler peut-être ? Nadia et le secret de l'eau bleue, c'était un manga assez bien à regarder, qui était un peu sanglant à un moment, parce qu'il y a un rapport à la mort, etc. Et l'histoire, c'est des extraterrestres qui veulent envahir la Terre, mais ça on le sait pas dès le début, parce qu'en fait Nadia a une pierre au cou. Cette pierre au cou est un élément mécanique pour la technologie de l'Atlantide, qui permet au Capitaine Nemo de pouvoir utiliser cette technologie. Capitaine Nemo emprunté à Jules Verne. Ouais, mais torturé, hein. Le mec, il est torturé. Là, il est fou, Nadia, torturé, pas fou. Hein. C'est-à-dire qu'il a eu des échecs dans sa vie et il n'arrive pas à s'en remettre. Et puis voilà, c'est un combat assez inégal entre des forces dévastatrices et la pauvre résistance de l'humanité. À propos de l'Atlantide, est-ce que que tu veux dire un mot sur les mondes engloutis? Les mondes engloutis, je connais très mal. Je vais avoir du mal à dire. Moi aussi, c'est ça le problème. Mais ça a super mal vieilli déjà. Ouais. C'était très bien, le générique était très bien. Ouais. Mais je me rappelle que des brides parce que c'est quelque chose qui me faisait peur à l'époque. Bon, c'est un peu dommage, hein, c'est parce qu'il y a une histoire, il y a une espèce de quête un peu de l'Atlantide. Je crois que c'était un peuple de l'Atlantide dans cette série. Je suis pas sûr, parce que ça ressemble plus à un voyage au centre de la Terre ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est-à-dire que les mondes engloutis, en fait, ils passent par des tunnels de lave, etc. Donc c'était très philosophique. Hein. Moi, je me souviens d'épisodes assez philosophique à l'époque. Faudrait que j'en revoie pour être sûr d'avoir un recul suffisant, mais pour l'instant, moi, je peux pas trop. Par rapport à ce que je me rappelle, c'est pas quelque chose qui m'avait plu. Ouais. Puis le graphisme était un peu primaire hein, pour l'époque. Je trouve que on était un peu dans le dessin simpliste qui m'a un peu rappelé ces longs métrages qui ont été réalisés par René Laloux. Entre autres, Les Maîtres du Temps ou La Planète Sauvage. Ça, c'est vraiment de l'animation française pure qui était sortie au cinéma. Bah, là, je vais citer un petit peu des titres en vrac. Peut-être que ça te parlera, mais. Bah, voilà, il y a des trucs qui nous ont moins marqués ou qui sont restés plus confidentiels. Ouais. Bon, mis à part Dragon Ball, que j'ai pas parlé, mais c'est parce qu'on est déjà revenu dans Dragon Ball, l'émission. C'était les super-héros de l'époque. Hein. Dragon Ball, en fait, avec le recul, il n'y a pas grand-chose à en dire parce que c'est l'histoire d'un mec qui trouve un nouveau power-up pour être plus fort que son adversaire. Et je pense que j'ai résumé tous les épisodes de Dragon Ball. Ouais, mais de toute façon, je crois que tu avais développé pas mal sur l'épisode j'avais... Dragon Ball versus Ken. Voilà, j'avais plus développé là-dessus, donc je voulais juste dire que, pour faire une aparté, en fait, que pour les mangas, il y a des héros ordinaires et des héros extraordinaires. Donc des héros ordinaires un peu comme Cat Size, hein, ou Nicky Larson, qui n'ont pas de pouvoir mais des convictions, et des héros extraordinaires comme Senseiya, qui ont des capacités physiques et aussi des convictions. Ouais, c'est ça. Ouais, puis bon, t'as rappelé aussi les différentes séries, puis on a pu débattre du très beau film Évolution. Donc, voilà, donc comme on en a parlé, j'ai pas spécialement l'intérêt de revenir dessus. Non, je peux vous clair. En renvoyer vers cette émission qui était quand même bien dense, succincte, bien dense. Rassignée et qui connaîtra certainement des petits héritiers aussi. Bah oui. Ouais, pourquoi pas s'arrêter en chemin quand on a trouvé un bon concept. Et sinon, reste quand même pas mal à dire, mais qui sont restés plus confidentiels. Les productions Anna Barbera, surtout des années 60-70. Alors, il y a un Mighter. Alors, je sais pas si tu te souviens de cette série qui un mec avec un masque avec une peau de bête et qui chauffe un dragon avec son marteau. Non, dans les productions Anna Barbera. Son gourdin, j'ai envie de dire. Dans les productions Anna Barbera, je vais plus me rappeler des trucs genre Capitaine Caverne. Ouais, ça, ouais. Avec cette espèce de camionnette, là. Avec sa massue, là. Ouais. Captain Caverne. Ouais, c'était marrant, ça. Avec trois bimbos ou deux bimbos, je sais pas. Ouais. Après, il y avait Silver Ox. Alors, ça, je m'en rappelle vaguement, mais comme je me souviens surtout du générique, hein. Ouais. Du générique. Du générique. Silver Ox, c'est pas quelque chose qui m'avait plus marqué que ça. Ouais, c'était sympa, c'était le principe d'avoir des espèces de surfeurs d'argent qui luttent contre des robots, quoi, finalement. Fantôme de l'espace. Bon, pour moi, c'était un héritier du fantôme du Bengale, en fait. Je sais pas si tu connais un petit peu le fantôme du Bengale. Fantôme du Bengale, ouais, je connais, hein, ça m'a le vieilli aussi. Hein. Ouais. Ça fait penser un petit peu à Black Panther. Hein. Ouais. C'est-à-dire, c'est un héritier. Attention, parce que le fantôme était à l'origine apparu bien avant et Black Panther. Ouais, je veux dire, ça me fait penser à ça. Ça me fait penser au digne héritier qui succède à son père dans un rôle de super-héros. Ouais. Donc, le fantôme de l'espace est dans le futur. Et puis, on a tout le groupe habituel de la femme, le jeune et la bestiole de circonstance. Harok le barbare, c'est un peu pareil. Hein. C'est du mélange de Star Wars et de Conan, tout à fait. Puis, t'as une espèce de sabre laser qui fait de les flammes, tu vois. Ouais, comme la Supermenza dans Bioman. Ouais, voilà quoi. On est dans un monde apocalyptique où la Lune a été cassée en deux et où il y a eu des terribles catastrophe. Et donc Harok, il affronte les mutants, les vilains pas beaux. Après t'avais genre la Spiral Zone qui explorait un peu le même truc, c'est-à-dire que la Terre avait été infectée par on ne sait trop quoi. Ça faisait une spirale tout autour de la Terre, il y avait des zones propres et des zones contaminées, et ceux de la zone propre devaient combattre les hommes contaminés. Là je vais faire un doublé hein, avec Bravestar et Galaxy Rangers, parce que c'était à peu près la même chose. Hein. Alors, Galaxy Rangers, j'en ai quelques souvenirs, Bravestar, ça me parle pas du tout. Bah c'est une espèce d'Indien qui chevauche un cheval avec des pattes en acier, donc c'est une ambiance western, tu sais, c'est le marshal qui arrive en ville et qui un peu à la manière de Clint, il bannit les méchants quoi. Galaxy Rangers, c'est un peu pareil hein, ce sont des espèces de cow-boys qui font un peu la loi dans la galaxie quoi. Puis on va terminer par Rambo qui n'a pas du tout de dérivé animé de Rambo qui n'a pas eu du tout de succès. Bah, c'est normal hein, c'était quand même plat, c'était vraiment nul et insipide. C'était dans la lignée des Rambo 2 et Rambo 3. On avait Rambo qui faisait partie d'une organisation de terroristes. Puis moi, ça fait penser à G.I. Joe finalement comme truc. C'est pour ça que ça n'a pas été original parce que je pense qu'il y avait G.I. Joe qui concurrençait et ça a complètement écrasé le fait que ce soit Rambo, quoi. Après, c'est pas parce que il y a une certaine notoriété avec Stallone qu'il faut en faire un dessin animé. On a même eu un dessin animé Carlos en France, hein, pour vous je dire. Je crois qu'on a même eu un dessin animé Matrix, le personnage de Commando de Schwarzenegger dans Commando, il me semble. Ouais, enfin voilà, ouais. C'est pas parce que ça marche au ciné que les gens voilà, s'il y a pas de contenu derrière, bah comme Rambo, ça se casse la gueule, ouais, puis c'est marre, quoi. Enfin, le dessin animé Rambo. Ouais. Ouais, le dessin animé. On parle pas du premier film qui est excellent. Non, bon, on a fait le tour parce qu'après, évidemment, on en a raté, mais enfin, je veux dire, on a été quand même assez prolifique dans les années 80-90. Ouais, pas d'autres choses à transmettre là-dessus. Certainement des choses qu'on a oubliées, mais je pense qu'on pourrait faire une petite aparté dans une autre émission un de ces jours. Mais si ce n'est pour vous dire que, heureusement que les mangas sont sortis en France et qu'on a eu quand même, je veux dire, cette application, parce que là, aujourd'hui, il y a des mangas sur tout, et c'était déjà le cas à l'époque, c'était plus confidentiel. Mais voilà, on a des mangas vraiment sur tout, hein, sur la gym, sur un barman, sur des joueurs de tennis, sur des super-héros, sur des trucs médiévaux. Des cuisiniers. Sur des cuisiniers, enfin voilà, il y a du bon grain de livré, et puis moi je trouve que dans les mangas, c'est quand même mieux tourné que ce qui se fait maintenant en 3D. Est-ce que pour toi, l'animation, les mangas et des animés actuels, ils sont mieux, plus adultes que ce que t'as pu voir dans ta jeunesse? Ça dépend lesquels, si on prend un truc comme Wakfu, la saison 1 est pas très adulte, la saison 2 est hyper adulte. Ouais. Donc tu vois, c'est quelque chose... c'est français, Wakfu, hein, c'est Studio Ankama. Mmh. Et c'est quelque chose que j'adore parce que ça part et de l'émerveillement et des MMORPG et d'inquiète, etc. Et après, t'as des épisodes plus légers et puis t'as des épisodes plus sérieux. Donc t'as les deux. T'as du sérieux, du pas sérieux. Après, je suis désolé, mais les trucs sérieux réussissent, un peu comme Wakfu ou d'autres que j'aurais oublié. Puis les trucs pas sérieux réussissent un peu moins, comme l'Inspecteur Gadget ou les Teen Titans Go. Mais pour te dire que t'as de tout. Enfin, avant, t'avais du pas sérieux aussi qui sortait. Plus récemment avec Johnny Bravo, enfin récemment, il y a quand même une quinzaine d'années, avec Johnny Bravo, le laboratoire de Dexter, c'était pas sérieux, et puis t'avais d'autres trucs sérieux qui sortaient à côté. Pour l'instant, on va dire que l'offre, elle est plus sur du truc semi-sérieux, voilà, il en faut pour tout le monde, et maintenant avec l'explosion des médias, on a la télé, on a YouTube, on a les téléchargements sur les chaînes de Kazé, le Netflix qui nous sort du Godzilla, on a vraiment des supports pour se faire sa propre idée. Donc tu vois, moi je trouve qu'en ce moment, on a le choix, mais il faut se donner le choix, en fait, c'est-à-dire faut se donner la compétence d'aller regarder ce qui se fait un peu, et le problème c'est que on a vraiment beaucoup de choix et on est un peu noyé dans la masse. Par exemple, pour regarder certains mangas, je suis obligé de m'en référer à des avis que des gens me donnent parce que d'instinct je peux pas forcément aller voir tout ce qui se fait. C'est hyper chronophage, quoi. De toute façon, les mangas, je peux vous donner le conseil de pas vous faire toutes les saisons, faites les premières et deuxièmes, parce qu'après ça tourne en rond et ça finit toujours par s'écrouler. Moi, j'ai pas de souvenir de regarder. Moi, je regardais surtout les vieux dessins animés. Avant, on avait les sorties VHS où on nous mettait 3-4 épisodes sur une VHS. Maintenant, on a la possibilité avec le DVD et le Blu-ray, enfin, voir le Blu-ray, d'avoir l'intégrale de la saison. Ouais, puis maintenant, on peut attendre un an. Voilà, si on veut, par exemple, acheter la saison de Fruit Basket, expérience personnelle, bah maintenant, on la trouve à un prix dérisoire. Avant, il fallait quand même choper les VHS ou attendre que ça rediffusait. Ou alors, quand ça sortait, je te raconte pas le prix que tu payais en magasin. C'est clair. Tandis que maintenant, avec l'hypermondialisation, on les a pour des prix défiant toute concurrence. Ouais, puis même, tu peux aller sur certains sites pour l'acheter en export, quoi. Tu peux le commander en VOD aussi. Sites sur le site de Kazé, tu peux acheter des trucs tu peux les regarder en direct. On va dire c'est l'avantage d'être passé à l'ère numérique, quoi, finalement. Et c'est aussi un gros inconvénient parce que évidemment, dans la période du Club Dorothée, c'était ça ou rien. C'est-à-dire on nous mettait ça et on était obligé de regarder parce que y avait rien à côté. Ouais. On pouvait pas se faire la dent sur autre chose. Maintenant, si on fait pas l'effort d'aller chercher une série, on la verra pas. C'est vrai qu'il y avait que ça, mais et à la télévision, concrètement, parce que moi je sais que France 4 diffusait pas mal de séries manga, dont l'Attaque des Titans, qui est assez pop, qui a du succès, quoi, apparemment. Ouais, on essaye de nous poser quelques nouveautés, mais le problème, tu vois, on nous pose des nouveautés qui on sait forcément qu'ils vont faire un carton, parce qu'au Japon ils ont fait un carton. Mais si tu veux avoir une conscience manga ou dessin animé, ça marche aussi avec les dessins animés DC Comics, hein, il y a des dessins animés Batman, par exemple Son of Batman ou Batman Bad Blood, des trucs comme ça. Tu parles des longs métrages, là. Ouais, c'est des longs métrages, ça reste quand même des dessins animés. Et c'est quand même confidentiel, c'est-à-dire qu'il faut s'intéresser à l'univers pour pouvoir le regarder. Tandis que si tu fais pas l'effort d'aller vers là, tu les auras pas. Tandis qu'avant, on nous les montrait et après, on s'y intéressait. Là, il faut s'y intéresser d'abord pour pouvoir le montrer après. C'est quelque chose que je regrette, moi, dans la vie numérique. Ouais, tu veux dire que c'est réservé à une certaine niche et si t'es pas fan DC ou Marvel, ben, tu sais pas qu'il y a plein de dérivés, quoi. Ouais, puis c'est noyé dans la masse, donc tu sais pas quoi regarder. Il y a même des trucs Lego DC qui sont regardables. C'est ça. Il y en a qui sont en chier aussi. Ouais. Voilà, c'est tous des trucs où moi, je savais pas que ça existait. Je consulte les catalogues d'Amazon, je vois un petit peu ce qu'il y a dans les prix pas chers, je me dis, ah, il y a ça, je lis les avis, je dis, bah merde, ça, je l'ai complètement raté. Ah voilà, quoi, une grande palette de mangas, de dessins animés, de séries live adaptées, je crois qu'on a fait un beau tour des années 60 aux années 90. De toute façon, on va dire des débuts télévisuels jusqu'à l'explosion numérique de maintenant, quoi. Ça va de plus en plus être exponentiel, finalement. Oui, parce que comme je me répète encore une fois, mais avant c'était super confidentiel, il fallait aller chez Kazé, trouver de l'import ou des trucs comme ça. Tandis que maintenant, en VOD, il n'y a qu'à demander. Ça te coûte des fois même pas 10 euros la saison complète. Alors forcément, c'est moins cher que d'acheter le DVD. Tu peux te faire ta propre. Il y a aussi l'intérêt d'avoir l'objet DVD, c'est-à-dire les inquiets, les. Bah, moi, je fais partie des gens qui dépensent peut-être trop d'argent, c'est-à-dire que je loue souvent en VOD. Ouais. Et si j'aime bien, j'achète le collector. Toi, t'aimes bien, toi, t'es plutôt. Moi, je suis plutôt objet de collection. Toi, t'es peut-être plutôt dématérialisation, quoi. Ah ouais, moi, je suis plutôt, malheureusement, comme la plupart des gens maintenant ou des jeunes, malgré que je sois pas jeune, c'est de la consommation culturelle. C'est-à-dire, je suis là pour consommer du culturel, je suis pas là pour le garder. Voilà, on conclut sur ces bons mots. Merci d'avoir écouté cette émission jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. Vous pouvez laisser des commentaires sur la page Facebook dédiée et la partager pour la faire connaître. Et on vous dit à la prochaine pour une nouvelle pastille.